iWake en mode sommeil. Bienvenue sur DreamStation. DreamStation vous remercie de l'avoir choisi pour vous accompagner dans votre nuit. Votre dreamwear préféré démarrera automatiquement lors de votre prochain cycle de sommeil paradoxal. Pour votre sécurité, nous vous rappelons qu'il est fortement déconseillé d'utiliser votre simulateur de rêve en cas de consommation d'alcool, de somnifères ou de psychotropes, ou si vous êtes atteint du syndrome de Murnau. DreamStation. Les rêves dont vous êtes le super-héros. Ce rêve vous est offert par iWake, l'implant anti-sommeil nouvelle génération. Avec iWake 4, gagnez jusqu'à 20 minutes de sommeil en moins. iWake. Dormir moins. Vivre plus. Vous êtes Soviet Boy. Armé de votre faucille et de votre marteau, vous affrontez les créatures du mal. En particulier, votre ennemi de toujours, le télévangéliste sans visage. Grâce aux messages subliminaux cachés dans cette simple mire, que je vais diffuser clandestinement cette nuit sur tous les téléviseurs d'International City. La ville sera à moi. Je contrôlerai les cerveaux. Enfin, ses habitants cesseront de s'entraider et se mettront à croire et à redouter Dieu à nouveau. Mais qu'est-ce que... C'était compté sans... Soviet Boy ! Je ne te laisserai pas faire, tel évangéliste sans visage. Mon peuple a trop souffert de charlatans comme toi par le passé. Ses rêves. Ah ouais? Raconte. Attends, faut bien que je me rappelle. Et t'as vu l'heure? Ah ouais, je sais, je vais être à la bourre. Donc j'étais un super-héros, mais un super-héros genre communiste. Mmh. Et j'affrontais une sorte de prêtre avec une télé à la place du visage. Genre un télévangéliste masqué. Tu connais mon rêve, Ariane? Non, vas-y, je t'écoute. Et donc je suis comme une espèce de... super athée, avec une cape et tout. Ça t'a plu? Comment ça m'a plu? Le rêve. Ça t'a plu? T'aimerais en refaire d'autres dans le même genre? Pourquoi, tu peux me brancher sur la chaîne des super-héros du rêve, peut-être? Ouais. En fait, c'est moi qui ai choisi ton rêve. Soviet Boy. Franchement, ça te va comme un gant, non? Non, mais attends, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, Gizmo, mais à toi pour regarder comme ça. T'as jamais entendu parler de Dream Station? Si tu t'abonnes, tu peux commander tes rêves maintenant, via ton implant. Le premier rêve est gratuit, alors je t'y inscris. Ah, c'est ce truc horrible que t'as fait il y a 3 semaines, ton rêve gratuit. Comment t'aurais pu faire ça sans mon autorisation? 10-04, c'est pas ce que j'appelle un mot de passe inviolable. Attends, t'aurais pu me demander mon avis? Moi, je voulais juste que t'essaies, c'est tout. Je te connais, t'aurais jamais accepté. Je me suis dit que t'allais peut-être passer à côté de quelque chose. Non, mais je rêve. Tu l'as vraiment fait. Tu m'as imposé un rêve. Sans mon consentement. T'as violé mon esprit. Non, tout de suite, mon intimité. J'hallucine. Dis-moi, sérieux, t'as aimé ou pas? Tu t'abonnes pour ton anniversaire? C'est ça, c'est bon, je vais travailler, moi. Je rêve. Téléphone déverrouillé. Se connecter à Meta. Bienvenue dans Meta, l'application de travail partagé. Privé, service public, particulier. Service public, y a quoi? Police, enseignement, voirie. Niveau de salaire? Uniquement niveau 1 pour votre profil. Ah ouais, comme d'hab. Message reçu de Gérald. Vas-y, envoie. Matt annonce ramassage des déchets dans ton quartier. 4 personnes sont en train de regarder cette annonce. Ok, c'est bon, je prends. Matériel nécessaire, véhicule utilitaire, permis de conduire B, gants. Oh, cette odeur. C'est où déjà les clignoles? Là. Ah ouais. Voilà, la dernière fois, l'odeur a mis 10 jours avant de s'en aller. Et il a fallu 3 jours avant qu'Ariane veuille bien m'embrasser. Non, mais qu'est-ce que tu fous là? Prends pas le périph, il y a encore plein de bouchons à cette heure. Ouais, tu veux prendre le volant? Non, c'est bon. Tu sais bien. Moi, moins je conduis, mieux je me porte. Alors? Alors quoi? Ce rêve. Quoi? Attends, t'es dans le coup toi aussi? T'étais qui? T'avais une belle cape au moins? Attends, tu connais ce truc? Dream Station, ça s'appelle, ouais. J'étais assez fier. C'est pas tous les jours qu'on lui apprend un truc à ta nana, non? Franchement, ils ont tout compris, ces gars-là. C'est vrai, quoi. Tu reviens le soir, t'as tes 18 heures de boulot dans les pattes, tu t'apprêtes juste à dormir 4 heures, et eux, ce temps perdu, ils te proposent de le transformer en heure de loisir. Le temps que t'as plus, quoi, pour mater un film ou pour jouer aux jeux vidéo. Mais excuse-moi, là, je comprends pas comment tu peux aimer ça. S'imposer des rêves standardisés, des trucs de héros en collant. C'est quoi? C'est les super-pouvoirs qui te font bander, c'est ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça t'apporte? Ce que ça m'apporte. Ça m'aide à supporter cette vie de merde. Tu vois là, cette odeur dans ta bagnole? Eh ben, c'est ça mon super-pouvoir, je la sens plus. Je m'en fous. Ça me rend plus léger. Voilà ce que ça m'apporte. Allô, Ariane? Non, je suis à l'hôpital. Attends une seconde. Bonsoir. Bonsoir. Votre repas chaud du soir. Merci. Besoin de quelque chose? Ça ira, merci. Oui. Bonne nuit. Merci. C'est bon, j'ai fini l'étage. Mais je sais pas, dans 2 heures environ, tu seras couché? Soir. Dis, je voulais te demander. Le rêve cette nuit. Tu m'as pas mis une version pirate, au moins il peut pas y avoir un virus. Non, parce que j'ai eu des flashs aujourd'hui. Des trucs dont je m'étais pas souvenu au réveil. Des trucs bizarres. Je peux pas croire que ce soit ton Walt Disney du rêve qui ait produit ça. Le quoi? Le numéro du rêve? Et depuis quand c'est un numéro à rêve? Tu cherches sur le net, là? Ok. Dans quoi? Je serais tombé dans une warp zone? C'est quoi ça, une warp zone? Bon, je te laisse, je dois finir l'étage. Moi aussi. Bonsoir. Votre repas chaud du soir. Alors? Ah. Fais voir. Non, hors de question, canapé. Ah non, c'est pas vrai. Pour un bisou, moi. Ah, dis donc. Du bout des lèvres. J'espère que tu m'as pas programmé un de tes rêves pour cette nuit, au moins. Impossible. Pour ça, il m'aurait fallu le code de ta carte bleue. Et c'est pas ta date d'anniversaire. Sale pirate. Bonne nuit, belle boire. Je te dénoncerai au gouvernement. I wake en mode sommeil. Wake en mode veille. Oh putain. Ah, mais qu'est-ce qui... peux appeler à cette heure. Allô ? Monsieur Simoni Delforge ? Oui, lui-même. Excusez-moi de vous déranger si tard, mais vous avez eu un problème avec votre Dreamwear la nuit dernière. Oui ? Et comment vous êtes au courant ? Nous avons pris connaissance d'une question laissée sur nos forums par une certaine Black Widow 66, le pseudo d'Ariane Dudlevski. Votre compagne, je suppose. Vous en savez des choses ? Toute l'équipe de DreamStation vous prie d'accepter ses plus plates excuses. Nous veillerons personnellement à ce que ce genre d'incident ne se reproduise pas. Et c'est pour ça que vous m'appelez à 2h du mat ? Mais je me lève dans 3h, moi. Je suis pas intéressé. Au revoir. Putain, c'est dingue. Ça devrait être illégal. Appeler les gens comme ça à 7h. C'était qui ? Rien. Des connards. Highway, Monsieur Delforge so- Monsieur Delforge ? T'entends ? Quoi ? Monsieur Delforge. La voix ! Il y a quelqu'un qui me parle. Non, j'entends rien. Monsieur Delforge, vous seul pouvez m'entendre. C'est un appel interimplant. Je sais que c'est une procédure réservée aux urgences, mais... C'est une urgence. Demain, n'allez pas travailler. Ne vous inquiétez pas, vous serez dédommagé. Une voiture vous attendra devant votre porte à 7h30. Dédommagé, vous voulez dire quoi par là ? Ce que vous avez gagné aujourd'hui. Vous le multipliez par deux et vous rajoutez un zéro derrière. Je comprends pas là, qu'est-ce que vous me voulez ? Rien, à personne. Nous voulons juste que vous nous racontiez votre rêve, celui de la nuit dernière. Ça nous intéresse. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'être discret sur le sujet. Monsieur Delforge, 20 fois votre journée de travail. Ok. Rendors-toi, t'es en train de faire un mauvais rêve. Merci, monsieur Delforge. Et bienvenue chez DreamStation. Bienvenue à DreamStation, monsieur Delforge. Entrez, asseyez-vous, je vous en prie. Café, thé, biscuit ? Café, merci. Alors, c'est ici que vous fabriquez vos rêves de masse ? Non, ici nous adaptons simplement aux cultures locales les rêves conçus dans la maison mère à Tokyo. Sucre, lait ? Noir, merci. Et alors, il était bien mon rêve ? Je suppose que les rêves de vos abonnés n'ont pas de secret pour vous ? Dans la mesure où c'est nous qui produisons les rêves de nos clients, oui, nous avons intérêt à bien les connaître. Mais si nous vous avons convoqué aujourd'hui, monsieur Delforge, c'est justement parce que, pour une fois, nous ne savons pas ce que vous avez rêvé. Ah bon ? J'aurais cru que... Regardez. Ça, c'est votre rêve. Je ne laisserai pas faire, tel évangéliste sans visage. Mon peuple a trop souffert de charlatans comme toi par le passé. Mais à partir de là, nous n'avons plus rien. Nous vous avons perdu. Vous êtes tombé dans une sorte de trou. Techniquement, on appelle ça une warp zone. Et quelques minutes plus tard, vous êtes sorti. Vous vous êtes réveillé. Et ça, ça nous intéresse. Monsieur Lefebvre ? Oui ? Madame Salvi ? Entrez, allez-y, vous pouvez commencer. On va vous examiner, ça vous dérange pas ? Pardon, vous seul savez ce qui se passe là-dedans, dans la Warp Zone. Et vous allez nous le raconter. Ok. Attendez, que je me souvienne. Alors, vous pouvez je crois haut, que... s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. J'avais cette cape. Monsieur Delforge, si vous voulez bien... Respirez bien fort. D'abord, nous aimerions vous faire passer un petit test. Oui, bah... Il a déjà commencé votre test. Non ? Non, ça c'est juste l'examen médical pour savoir si vous êtes apte à passer le test. Le cœur, c'est ce que je pensais. Vous m'avez fait un enregistrement ? Voilà. C'est envoyé. Merci. Vous pouvez vous rhabiller. Mon cœur ? Qu'est-ce qu'il a exactement ? Il est en parfaite santé, votre cœur, ne vous inquiétez pas. Monsieur Delforge, qu'est-ce que vous savez exactement de notre entreprise, DreamStation ? Pas grand-chose. Que vous aliénez des milliers de gens en les empêchant de faire leur rêve naturel. Et puis, bah, y a eu ce rêve que j'ai fait la nuit dernière. Je précise que c'était sans mon consentement. J'ai trouvé ça nul et puéril. Voilà, c'est tout ce que je sais. Monsieur Delforge, Qu'est-ce que vous voyez sur ce tableau? 300 000. Ça, c'est le nombre de nos abonnés quand nous avons commencé, il y a 2 ans. Et là? 120 millions. Ça, c'est le nombre d'abonnés aujourd'hui. Et ça? Oui. C'est bien les 2/3 de l'humanité. 7,3 milliards. C'est notre objectif d'ici 8 ans. Tout à fait réaliste avec le développement de notre offre gratuite. Sauf si un grain de sable venait enrayer la machine, bien sûr. Un scandale sanitaire, par exemple. Ça veut dire qu'il y a quand même 1/3 de l'humanité qui ne fera jamais vos rêves. Ça me rassure un peu. Monsieur Delforge, vous devez savoir que vous n'êtes pas le seul à être tombé dans la Warp Zone. En fait, vous êtes le 13e. Qu'est-ce au juste qu'une Warp Zone ? À notre connaissance, c'est une sorte de bug. Or, nous avons vérifié et revérifié 1000 fois le code informatique de notre Dreamware. Il n'y a pas de bug. C'est impossible. Alors, d'où ça vient ? Apparemment, des neurotransmetteurs de certains individus, une poignée seulement, qui interpréteraient mal nos informations. Ce qui est intéressant, c'est que ces individus sont tous atteints d'une maladie génétique extrêmement rare, le syndrome de Murnau. Le ? Regardez. Ça, c'est un cœur normal. Le rythme binaire qu'on connaît tous. Et maintenant, un cœur d'une personne atteinte du syndrome de Murnau. Ternaire. Vous remarquez ? Bon, ça, c'était l'enregistrement de votre cœur, monsieur Delforge. Attendez, vous voulez dire... Que vous êtes atteint du syndrome de Murnau. Oui, bien sûr, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Mais ne vous en faites pas. À part ce rythme ternaire et le risque de tomber dans une warp zone, on vit très bien avec le syndrome de Murnau. Mon cœur, il bat ternaire. La plupart des gens ne savent même pas qu'ils l'ont. Bien sûr, on a une équipe de chercheurs qui planche là-dessus nuit et jour. Les premiers résultats... Trop binaire. Devraient pas tomber avant 3 mois. Poupon. Mais en attendant, il y a monsieur Lopez. Que voyez-vous sur cet écran, monsieur Delforge ? Je sais pas. Un type dans la 50aine, allongé sur un lit d'hôpital... Avec des perfusions partout. Il a l'air de dormir plutôt bien. Il me fait penser. C'est Fitzcarraldo Lopez. Aussi connu sous le nom de Roi du Poulet. Je connais pas. C'est le 12e à être tombé dans la Warp Zone. Quelques jours avant vous. Mais lui n'en est pas sorti. Ah voilà, c'est ça. C'est mon père. Il me fait penser à mon père. En plus moche et en plus gros. Monsieur Lopez est un homme respectable. Il a une femme, une famille, un travail, des ambitions. En se connectant à notre Dreamware, il avait juste envie d'un peu de divertissement. Il n'a pas mérité ça. Et c'est là que vous entrez en scène, monsieur Delforge. Ah oui ? Je vais installer dans votre implant 2 applications spécialement conçues pour votre mission. Ah. Et vous avez besoin de mon code ? 10-04. Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Delforge, nous avons un accès privilégié. Bien sûr. La première application, une radio, pour communiquer avec le monde extérieur. Voilà. Donc très important. Vous devez toujours nous parler. Vous serez nos yeux dans la Warp Zone. Il n'y a pas de caméra là-dedans. Décrivez, décrivez, décrivez. Tout ce que vous voyez. Mais aussi tout ce qui vous passe par la tête, on ne sait jamais. On enregistre tout, on fera le tri plus tard. Bon, et deuxièmement, un siège éjectable. On va faire un petit essai. Voilà. C'est installé. C'est pour que vous puissiez sortir du rêve à la fin du test, ou à n'importe quel moment si vous aviez le moindre problème. L'éjection est configurée pour répondre à la commande vocale « Oh, j'ai fait un songe bien curieux ». C'est tiré d'Alice au Pays des Merveilles. Une idée de ma hiérarchie. C'est à la fin, quand elle s'éjecte du rêve. Monsieur Delforge, vous voulez bien répéter « Oh, j'ai fait... » « Oh, j'ai fait un rêve bien curieux ». Non, un songe bien curieux. Retenez bien chaque mot, monsieur Delforge. C'est votre sésame pour sortir du rêve. « Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. » Plus fort. Oh, votre voix doit être audible par le système, sinon ça marche pas. « Oh, j'ai fait un songe bien curieux. » Voilà. Vous voyez cette image ? Cette population de malnutrition. C'est là où disparaît Lopez. Après, on perd sa trace. On va vous brancher directement ici. Vous entrez dans sa warp zone. 5 minutes, vous devez tenir là-dedans. Le temps qu'on fasse des tests. Des questions ? Ah... Bien, alors allons-y. Sylvie, je vous l'envoie. Ah, j'oubliais, votre contrat. Vous savez, 20 fois votre journée de travail. Signé ici. Là, en bas ? Oui, c'est ça, en 2 exemplaires. Attendez, parce que je lis toujours un petit peu ce que je signe. Décline toute responsabilité en cas de décès. Dites donc, c'est un petit peu dangereux votre truc. C'est un peu formalité pour l'assurance. Personne n'est jamais mort à cause de DreamStation. On est prêt, Madame Selby. Un instant. Merci, Monsieur Delforge. Maintenant, je vous laisse aux mains de notre équipe. Ils sont très bien, vous verrez. On se retrouve dans mon bureau tout à l'heure pour votre rapport. Philippe, donnez vos grammes. Allongez-vous là, s'il vous plaît. Là ? Branché. Parfait. Ok, on va vous mettre de la pluie sur le front, ça va être un peu froid. T'as du signal ? Juste du bruit cérébral pour l'instant. Ça y est. Comment ça va se passer ? C'est votre première fois ? Oui. Déconne-toi. Non, laissez tomber, c'était une blague. C'est la première fois. Au monde. Eh oui, monsieur Delforge, aujourd'hui c'est un grand jour. Vous êtes le premier humain de l'histoire à entrer dans le rêve d'un autre. Ouais, enfin, t'oublies un peu vite les chamans de Sibérie qui font ça depuis des siècles et ils n'en font pas tout un foin. Ah, peut-être, mais ils n'ont pas... nos machines, très chères là, avec plein de boutons dessus qui clignotent. Ah, pas besoin, hein. Un tambourin, un calumet, ça suffit. Comment ça va se passer ? C'est très simple. Philippe, amène Lopez, s'il te plaît. Allez, tu restes juste à côté de monsieur. Et voilà, comme camarade. Vous voyez monsieur Lopez ? Bah, grosso modo, on va connecter vos deux implants via ce câble USB, ce câble médical spécial. Voilà, ça c'est pour monsieur Lopez. On se relaxe. Philippe, tu envoies l'analgésique. Donc quand vous serez endormi, on vous branchera monsieur Lopez. Et une fois en phase de sommeil paradoxal, ce sera à vous de jouer. Et donc c'est la première fois au monde qu'on branche deux rêveurs ensemble, c'est ça ? T'as la réponse corticale là ? Oui. Pas exactement. Au tout début, DreamStation a fait un essai dans ce sens. L'idée, c'était de créer une sorte de réseau social pour rêveurs. Tous connectés au même rêve, voyez le genre. Mais ça a été un vrai fiasco. Tout ce que ça a créé, c'est un gigantesque larcène mental. Un gars se réveillait la nuit avec le cauchemar du voisin, un autre se retrouvait avec des souvenirs qui n'étaient pas à lui. Le bordel. DreamStation a tout arrêté. Ils ont compris. On voit les onyroïdes ? Ouais, tu peux y aller. Ils ont compris qu'il fallait créer une paroi étanche entre les rêveurs, pas d'interconnexion. C'est la règle en rêve numérique. Et ça marche. Bon, les premiers participants à l'expérience, par contre. Je ne sais pas qui. Ils ont pas gardé quelques séquelles. Cette poulpe, enlevez-moi ce poulpe de la tête. Mais ce sont vos cheveux, monsieur. Mais enlevez-moi ce poulpe. Il est en train de me dévorer le cerveau. Mais dans votre cas, c'est différent. Le câble USB que nous allons utiliser, c'est un câble à sens unique. Vous entrez dans le psychisme de monsieur Lopez, mais monsieur Lopez n'a pas accès à votre psychisme. Aucun risque, je sais pas, de croiser des souvenirs à vous, des membres de votre famille. C'est propre. C'est net. Et puis, ne vous en faites pas. Si on vous a choisi, c'est aussi parce que vous avez un mental d'acier. 15. Après tout, vous êtes revenu, vous. Contrairement aux 12 autres. Les 12 ? 10. Aucun des 12 n'est revenu ? Non, monsieur Delforge, on attend toujours leur réveil. 5. D'un point de vue scientifique, vous êtes un spécimen rare. Bon, ça va être à vous maintenant. Tout va bien se passer. Go ! Bon voyage ! I wake en mode sommeil. Où je suis là? Ça tangue un peu, c'est. Soviet Bot, vous me recevez? Soviet Bot? Ouais. 5 sur 5, Madame Selby. Bon, Soviet Bot, par Madame Selby, reine de cœur. Protocole de communication, vous savez. Plutôt 4 sur 5, en fait. Ok, Madame Sel... Reine de cœur. Plutôt 3 sur 5, en fait. Ok. Faites quelques pas dans la warp zone et vous nous décrivez ce que vous voyez. Alors, je suis dans un couloir, là, genre industriel. Plafond bas. Des tuyaux rouillés. Là, un monte-charge, on dirait... Attendez. J'ai du mal à trouver mon équilibre. On dirait... Wow. C'est comme si j'avais un autre corps. Reçu. Maintenant, est-ce que c'est vous trop pouvez... bizarre d'être dans le rêve d'un autre. C'est... Soviet Boy, on n'a pas beaucoup de temps. C'est en train de redescendre, là. Soviet Boy, on n'a plus beaucoup de temps. Décrivez, s'il vous plaît. Ok. C'est une ancienne usine où... Il me semble que j'entends un bruit au fond, là. Soviet Boy, il va bientôt être temps d'entrer. Vous avez encore 80 secondes. Je m'approche. Il y a une double porte, là. Ça a l'air de mener sur un plateau industriel ou... Je sais pas. La porte est coincée. Il y a des animaux derrière. Je suis peut-être dans un centre d'élevage. N'ouvrez pas cette porte. On n'a pas de temps. Je dois voir ce qu'il y a derrière. Il ne vous reste plus que 50 secondes. Retournez à votre point de départ, s'il vous plaît. Oui. Mon Dieu ! Arrête ! Oh. Ok. Ah, mais c'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé, Soviet Boy ? Tout va bien ? Rien. C'était rien. C'était... Ouais, je vais revenir au point de départ. Bon, on est dans un ancien abattoir, ici. Maintenant, j'ai compris. Ça devait être la salle où on abat les bêtes. C'était vide, mais c'était comme si... Comme s'il y avait encore les esprits des animaux morts. Des vaches. Des centaines de vaches. Et les taches sur leur pelage, elles bougeaient. Oh, c'est puissant, vos rêves, quand même. Bravo. Donc, c'est bon, là. Je suis revenu à ma position de départ. Je suis prêt à enclencher le siège éjectable. Attendez une seconde. On prépare votre arrivée. Ok, j'attends. Vous me prévenez quand je peux m'éjecter. Reine de cœur. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Reine de cœur, il y a une sorte de forme blanche qui vient d'apparaître. Ça fait partie de vos... Tu sais, ici, tu peux réaliser tes rêves, tous tes rêves. Comment on fait déjà pour... Tu peux vivre conformément à tes principes. Mange bien, Kyoko. Toi, par exemple, tu as soif d'absolu. Si tu le trouveras, il t'attend. Oh, j'ai fait un songe bien curieux. I wake en mode veille. Monsieur Delphonse, vous m'entendez? Monsieur Delphonse, je parle au respirateur. Monsieur Delphonse, vous êtes avec nous maintenant. Voilà. Monsieur Delphonse? J'ai fait un songe bien curieux. Il est réveillé. Yes! Yes! Bravo, monsieur Delforge. Vous avez passé le test. Maintenant, nous allons pouvoir passer à l'étape suivante. Un jour, votre nom sera aussi connu que celui de Xiangle, le premier homme à avoir marché sur Mars. Comme promis votre salaire, monsieur Delforge, je le vire maintenant sur votre compte. Voilà. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, nous vous offrons un CDI. Ah oui, c'est vrai. Vous pouvez pas connaître, vous êtes trop jeune. Vous verrez. On vous expliquera. C'est très avantageux. Revenez demain matin. Pour le grand voyage. Le voyage en rêve profond. Trouver et ramener Lopez. Monsieur Delforge ? Besoin d'air. Monsieur Delforge, on se voit demain matin ? Besoin d'air, besoin de temps. C'est une occasion en or. 24 heures. Donnez-moi 24 heures. Besoin de réfléchir. Ok, très bien. 24 heures, monsieur Delforge. Rendez-vous donc après demain matin. C'est vrai, ce monde, est-ce que j'y tiens tellement? Qu'est-ce qui me retient ici?